arriverais à trouver les accords qui vont avec ça? Le temps est long. Le temps me paraît si long. Le temps me paraît si long sans toi. Je ne sais pas comment on fait. Oh nanana, je ne sais pas comment faire. Oh nanana, je ne sais pas comment vivre simplement sans toi. Oh, sans toi, sans toi, oh, sans toi. C'est que je vois que je ne veux pas de tes côtés, à tes côtés. Pas d'en aller au réseau, oh, oh. Pensons-nous simplement, oh. À tes côtés, je veux rester à tes côtés. Je veux rester à tes côtés. Je veux rester à tes côtés. Je veux rester à tes côtés, yeah, yeah, yeah. Je veux rester à tes côtés, yeah, yeah, yeah. Je veux rester à tes côtés, yeah, yeah, yeah. Je veux rester à tes côtés, yeah, yeah, yeah. Je veux rester à tes côtés, yeah, yeah, yeah. Je veux rester à tes côtés, yeah, yeah, yeah. Dans le monde que je vois, que je vois avant toi. Non, je ne peux pas, je ne peux pas vivre sans toi, oh. Dans le monde que je me fais, dans le monde que je pourrais. Non, je ne peux pas voir sans toi, oh, oh. Je veux rester à tes côtés, yeah, yeah, yeah. Je veux rester à tes côtés, yeah, yeah, yeah, yeah. Dans le monde que je me trouve, dans le monde que je me vis, oh. Donc je ne peux pas vivre sans toi. Dans le monde que je me trouve, dans le monde que je me vis, oh. Je ne peux pas vivre sans toi, ah. Dans le monde que je me fais, oh. Dans le monde que je vis, oh. Donc je ne peux pas vivre sans toi, ah. Dans le monde que je me fais, oh. Dans le monde que je vis, oh. Donc je ne peux pas vivre sans toi. Dans le monde que je me fais, dans le monde que je vis, je ne peux pas vivre sans toi. Dans le monde que je me fais, dans le monde que je vis, je ne peux pas vivre sans toi. Yeah.